parle, mais au fond, ce n'est qu'un rêve. Je vous parle sans réponse, en regardant le ciel. Je raconte ma vie à une tombe, un vulgaire bout de pierre. J'étouffe depuis que vous n'êtes plus sur terre. Montrez-moi un signe de vous, parlez-moi la nuit. Maman, donne-moi un bisou avant d'aller dormir. Je vieillis et ça m'effraie, le fait que rien ne changera. Le temps passe, je transpire chaque jour dans mes traces. C'est toujours dans les drames que les familles se rassemblent. Vous manquez à mon âme, vos regards me manquent. On m'a dit que ça passera, que je ferai le deuil avec le temps. J'y crois pas, je deviens dur, dénué de sentiments. J'espère que de là-haut, vous êtes fiers de moi. À chaque fois j'y pense et je fais les 100 pas. Vieillir sans parents, je vous avoue que c'est dur, mais je les porte dans mon cœur, pour la vie c'est sûr. Je vous parle, mais au fond, ce n'est qu'un rêve. Je vous parle sans réponse, en regardant le ciel.